Édition de mai 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. J'ai de la visite aujourd'hui dans mon studio. Cara, notre minette, qui semble vouloir faire du bruit. Côté climat, avril s'est résumé par la fonte rapide de la neige occasionnant des inondations, dont une d'importance à Sherbrooke. En ce qui a trait à mes activités, j'ai travaillé sur les nouveautés audio de fin juillet et début août. J'ai effectué les révisions 5 et 6 de Complot sur Alpa, la première aventure de Carl Inouvi, désormais publiée dans sa version e-book et disponible via Amazon. Plus, la révision numéro 2 de Prisonnier des Gris, ainsi que celle d'un nouveau roman de Mario Fecto. Je veux prendre ici un moment pour remercier Corvo pour ses commentaires et ses mots d'encouragement dans le livre d'or d'Audiocité.net. Merci de son intérêt et de sa fidélité. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Un chien extraordinaire. Un de mes amis possède un chien phénoménal. Il me disait un jour « Il ne lui manque que la parole. Et encore. » Oui, l'autre jour, je suis sorti avec lui pour aller à la chasse et comme je venais de tuer un gibier quelconque, je lui ai dit d'aller le chercher. Où ça, me fit-il? Alors, bonjour et bienvenue à tous et chacun de vous pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Ah! La belle saison du géocaching est revenue. La flore n'est pas encore luxuriante. Les caches ne sont pas encore trop camouflées. Et l'accès en est beaucoup moins périlleuse qu'en hiver. Mais les trous d'eau peuvent nous surprendre à chaque pas. Pourquoi je vous parle de géocaching? Épicure, mon podcast à moi, personnellement, en personne, est fin prêt pour son premier véritable shoot. Tout est enregistré. Ben oui, imaginez-vous donc que l'Association de Géocaching Québec a accepté de me commanditer l'épisode par l'attribution de cadeaux. Ne manquez donc pas cette occasion de vous instruire et de gagner l'un des prix qui vous seront offerts. Petit auditoire pour Épicure, puisque encore non connu, je veux donc dire beaucoup, beaucoup plus de chances de gagner qu'avec le GeoSnippet Podcast avec Andy Head Hard Hat Smith. Épicure, shoot numéro 1 sera tout dédié à démystifier l'univers du géocaching qui, je l'espère, deviendra une référence francophone incontournable pour les novices. Autre activité dans ma vie trépidante de podcasteur, parlons balado, L'aventure continue avec Sir Maximum, Crapule et Jean-Sébastien Chapleau. On vous fait connaître les personnalités du podcasting au Québec. Rien de prévu à l'avance. Tout débute généralement par l'explication du podcast par l'invité lui-même, ses débuts, ce qu'il écoute, le matériel qu'il utilise, le tout en cours de discussion. C'est vraiment une formule agréable à vivre. Petit événement cocasse qui m'est arrivé cette semaine. J'étais au travail, j'écoutais comme toujours un podcast et il y a eu une petite pause de 2 secondes. J'en ai profité pour poser une question, mais j'étais au travail. J'ai alors été pris d'un fou rire, je vous dis pas, quand j'ai entendu ma bulle péter pour revenir à la réalité. Je commence à être un petit peu trop intense, je pense. Et que se passe-t-il d'autre? Oh! Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Il faut vraiment que vous vous y mettiez. C'est le 2e feuilleton de l'inaudible avec Walter Proof, Pompidou et toute notre bande de bras cassés. C'est encore une fois super. On est rendu à l'épisode 9 ou 10. Au programme, il y aura une pause de production pendant la période estivale. Alors, vous voyez bien que c'est le bon moment pour vous mettre à jour dans vos écoutes. Puis, nous poursuivrons à l'automne. Une fois la saga complétée, il est prévu à l'horaire qu'il y aura une suite pour la breluche dorée qui avait été mise sur la glace. Pas besoin de vous dire que je suis très heureux de savoir que le professeur Glutamate, qui est le personnage déjanté que j'incarne, continuera à vivre encore un bout. Bon, pour le reste, il faudrait bien que je vous instruise un peu, avec un peu de découverte à faire. Les jeunes, bouchez vos oreilles! Je vous fais la présentation d'excellents podcasts, mais l'auditoire prévu n'est pas en bas âge, ni pour les personnes âgées. Mes suggestions se portent donc sur Plan B. Et si maintenant, je vous parlais de... Oh, vous voyez qui je veux dire? Alors dites-moi son nom! Oh, oui, c'est l'improbable podcast. Et probablement le plus connu des podcasts en Europe, soit... Docteur, docteur, j'en peux plus, aidez-moi. C'est bien, oui, continuez. Il me parle, j'ai des voix dans la tête. D'accord, c'est intéressant. Ils disent qu'il s'appelle l'apéro du capitaine, j'en peux plus. Vous n'en pouvez plus. Ils disent que des insanités. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils sont sales. C'est bien. Docteur, écoutez, ils reviennent. C'est ça, c'est bien. Bon, écoutez, on va rester là. Hein. Ne me laissez pas partir, ils reviennent. Ça vous fera 150 euros et un peu de repos. Allez, à la semaine prochaine. L'apéro du capitaine, et oui! Tous trois sont des émissions sans aucune censure. Un groupe d'amis recueille diverses nouvelles farfelues prises sur les bas-fonds de l'Internet. Ils sont désopilants, toujours drôles. Si certaines nouvelles ont un fond sérieux, soyez assurés qu'ils les convertiront de la façon la plus comique que vous n'auriez jamais pu imaginer. Les sujets défilent à un rythme effréné, ils sont totalement allumés et ne se gênent pas pour se relancer des commentaires les plus souvent légers. Il vous faudra peut-être l'écoute de quelques épisodes pour vous habituer au rythme et à la dynamique assez souvent cacophonique de ces podcasts, mais assurément, ils vous changeront les idées et vous divertiront une heure ou deux, parfois plus. Par le passé, je vous mentionnais que j'avais des podcasts bouche-trou. Ces trois-là en sont assurément. Pas besoin d'écouter tous les épisodes pour suivre. Ils durent longtemps et comme les sujets défilent super vite sans aucune suite entre eux, à à part parfois quelques petits liens en sautant du coq à l'âne, vous pouvez ainsi donc arrêter et reprendre l'écoute à tout moment, sans aucune gêne. Vous avez une tâche abrutissante ou répétitive à faire, ils seront les meilleurs amis de vos neurones. Alors voilà qui complète les notes que j'avais prises pour cette capsule nouveauté. Je vous rappelle de vous abonner au podcast Épicure si vous désirez avoir la chance de participer au tirage du shoot numéro 1 de Épicure. Yo man, Épicure, c'est ça. Hey. Je vous invite à me contacter jshamel99@gmail.com pour me retrouver sur Twitter, c'est facile, @jshamel_99. Je vous dis à la prochaine. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. Musiques et effets, lasonothèque.org et incompetech.com. Suite du feuilleton Mazas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. À bord du cœur de Fomalo, Mazas et ses amis cherchent à suivre le chemin emprunté par la nef moissonneuse au moment de sa fuite. Comme ils n'arrivent à rien, ils décident d'interviewer les occupants des deux vaisseaux noirs qu'ils ont capturés plus tôt. Pour ce faire, ils doivent sortir de l'entre-espace et se poser sur une planète. Ils en découvrent une qui semble convenir, mais sitôt atterri, le vaisseau est secoué violemment et commence à donner de la gîte. À bord de la nef moissonneuse, avec angoisse, l'émir confirme qu'il a bien perdu ses pouvoirs parapsychiques. Il conclut que le choc qu'il a reçu en est la cause. Il se fait conduire au poste central, où il en apprend un peu plus sur ce qui lui est arrivé. Toutefois, Rabotax ignore la raison de la disparition de ses dons. La nef moissonneuse a regagné l'espace einsteinien, loin de tout corps céleste, où les robots techniciens sont à réparer les avaries. Pendant ce temps, à bord du cœur de Fomalo, Steve parvient, d'un geste brusque, à réenclencher les moteurs, et l'astronef échappe au danger qui le menaçait. Après un balayage à la caméra, il découvre, effaré, que deux des six étançons du vaisseau ne sont plus que des moignons déchiquetés. Un examen attentif de l'enregistrement de l'incident fait conclure au cerveau P du vaisseau qu'ils ont affaire à des entités organiques translucides au point de paraître invisibles. Ils renoncent donc à s'opposer, mais pas à interroger les assaillants de la nef moissonneuse qu'ils ont fait prisonniers. En effectuant quelques réaménagements, ils parviennent à tracter un des petits astronefs dans la soute du cœur de Fomalo. Avec moult précautions, ils cherchent à en déplacer le système d'ouverture. Ils y parviennent. Alors, apparaît dans l'encadrement du panneau un être cauchemardesque. Les éditions de l'avenir présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 12. Chapitre 3. L'émir tournait littéralement en rond dans la cabine que Rabotax 3 avait fait mettre à sa disposition. Le commandant robot lui avait indiqué sur un écorché de sa nef tout ce qu'il convenait de réparer, et le mulot castor se demandait encore comment, avec tant d'avaries, le vaisseau avait réussi sa transition. Ses constructeurs étaient sans aucun doute de fameux techniciens quand ils l'avaient conçu. Malheureusement, qui dit dégâts sérieux, dit également réparation importante et longue. Condamné à l'inaction, le fleuron de la milice des mutants rongeait son frein en s'interrogeant sur ce qu'il était advenu du cœur de Fomalo 2. Non qu'il s'inquiétât pour son intégrité physique, la sphère de Terkanite étant puissamment armée, son écran défensif très performant et son pilote un virtuose de la navigation spatiale, mais ce contretemps risquait de lui faire perdre définitivement le contact avec ses compagnons d'aventure. Il savait que Mazas ferait tout ce qui était humainement possible pour le retrouver, mais rechercher une aiguille dans une botte de foin n'a jamais été une sinécure. Il posa la patte sur la poche de poitrine de sa combinaison et tapota distraitement le petit disque qu'elle contenait, tout en plissant son museau en une moue désabusée. Il possédait les coordonnées de la planète dont il voulait offrir la flotte spatiale et les installations techniques à l'Empire terranier, mais il était dans l'incapacité de les faire parvenir à qui de droit. Un sentiment de frustration intense qui lui donnait presque la nausée. La démarche hésitante, l'être s'engagea sur le plan incliné qui menait au plancher de la soute. Un frisson parcourut les chines de la jeune femme qui contemplait l'étrange créature qui s'avançait vers elle. De haute taille, au moins 2,50 m, mais filiforme, il se déplaçait sur quatre courtes jambes et possédait quatre paires de bras superposés. Le casque de sa combinaison noire était transparent et laissait voir une tête ronde ornée de deux antennes couvertes de cils vibratiles. Deux gros yeux globuleux à facettes surmontaient un nez formé de deux fentes verticales et une bouche ronde aux lèvres cornées. Mazas accueillit l'alien privé de volonté et lui enjoignit de rejoindre la porte menant à l'intérieur du vaisseau. Un deuxième étranger parut à son tour, toujours surveillé avec autant de suspicion par le ferrolier. Le prisonnier fut expédié à la suite de son compatriote, vers l'endroit où Kalec et un des membres d'équipage les attendaient pour les réceptionner et les emmener jusqu'à une cabine à l'ameublement spartiate et dotée d'un sas, où ils furent enfermés après avoir été débarrassés de leur ceinture d'armes. Toujours sous l'effet du radiant-psy, les extraterrestres amorphes s'assirent sur les couchettes qui s'alignaient le long des murs. Une demi-heure plus tard, les occupants du second vaisseau avaient rejoint leurs congénères où ils furent remis entre les mains du robot médic qui, profitant de leur passivité artificielle, effectua sur eux toute une série d'analyses. La machine put rapidement donner quelques informations. Leurs yeux à facettes permettent de voir dans l'infrarouge. Leurs antennes, grâce aux cils vibratiles, sont sensibles aux émanations énergétiques. Leur bouche contient une langue effilée et creuse, vraisemblablement destinée à absorber des liquides. Leur tronc est annulé. Leurs membres supérieurs possèdent trois articulations, les inférieurs une seule, mais dans les deux sens. Leur sang est épais, de couleur bleu clair. Pendant que les techniciens du cœur de Fomalo 2 étudiaient sous toutes les coutures l'une des petites nefs, l'atmosphère nécessaire aux êtres à huit bras fut analysée, synthétisée et insufflée dans la cabine qui leur servait de prison après que les captifs aient été dépossédés de leur casque. Elle est différente de la nôtre, mais éventuellement compatible pour les humains. Cependant, dans ce cas, elle causerait rapidement une irritation des voies respiratoires, expliqua l'astronaute qui avait effectué les travaux. Protégé par un spatiandre, Mazas et Steve pénétrèrent dans la pièce prison. Burk, des mille pattes géants, s'exclama le jeune homme qui les voyait de près pour la première fois. Moi qui ai toujours eu horreur des insectes, alors de cette taille... Il existe d'excellentes thérapies contre toutes les formes de phobie, se moqua-t-elle gentiment. Il haussa dédaigneusement les épaules, mais ne pit pas mot. Sa compagne mit fin à la neutralisation psychique des quatre prisonniers qui semblèrent soudain reprendre vie. Avec un ensemble parfait, ils bondirent sur leurs pieds et se précipitèrent sur les visiteurs. Mais les deux jeunes gens s'attendaient à une réaction violente, et le tétaniseur que brandissait le pilote les balaya de son flux paralysant, les jetant au sol, hurlant de souffrance. Ils patientèrent quelques minutes, jusqu'à ce que les ondes incapacitantes aient cessé de faire leur œuvre. Les étrangers retrouvèrent peu à peu l'usage de leurs membres, mais la leçon avait été salutaire, et ils se gardèrent de bouger inconsidérément. Seuls leurs gros yeux globuleux brillèrent d'une rage impuissante. Mazas s'adressa à eux en leur désignant l'objet qu'elle tenait dans la main gauche. Cet appareil est un translateur vocal. Plus vous parlerez, et plus vite il pourra intégrer votre langue et effectuer les traductions. Bien évidemment, les étrangers ne comprirent rien à ce qu'elle venait de dire, mais l'un d'entre eux donna l'impression d'avoir deviné les fonctions du cube en métal noir qui lui était présenté. En vertu de quoi, Il se mit à parler en détachant le plus possible les syllabes, si tant est que l'on puisse qualifier de syllabes l'espèce de chuintement syncopé qui s'échappait des lèvres cornées. Il termina son discours à l'attention de la machine en désignant et en nommant ses trois congénères. Oui, Is. Aussi, Is. Rossi, Is. Puis, se tapant la poitrine de sa dextre supérieure, il énonça. Paris, Is. Steve leva les yeux au ciel en marmonnant. Tu parles deux noms. Si je les prononce, il va vous falloir un parapluie pour vous protéger contre les postillons. Je crois que je vais me contenter de leur donner un numéro. 1, 2, 3 et 4, c'est quand même plus facile. Pas pour eux, sans doute. Lui rétorqua sa compagne avec un sourire railleur. Elle manœuvra un curseur jusqu'à ce que les deux lignes sinueuses de couleur rouge et bleue se chevauchent parfaitement sur le petit écran incrusté sur le quart d'une des faces. Satisfaite, elle interrogea. Qui êtes-vous? Question qui fut instantanément traduite en langage extraterrestre. Le porte-parole du quatuor de prisonniers ouvrit la bouche en ce qui pouvait passer pour un sourire de satisfaction, découvrant une multitude de petites dents aiguës. « Nous sommes les quatre. » Le translateur permettait même de rendre le ton plein d'orgueil avec lequel avaient été prononcés ces quelques mots. Ce qui n'eut pas l'air d'impressionner Mazas. « Et c'est quoi un quartier ?» Tariz se frappa la poitrine à plusieurs reprises, style King Kong, avant de répondre. « Nous sommes le guerrier le plus redoutable de l'univers. » Rien que ça! S'esclaffa le pilote. Mais, imperturbable, la créature poursuivit. Notre peuple, il m'a conduit éclairé, ma vénérable Auric, Itarazi Hiz, est en route vers Nouvelle Galaxie. Nous menaçons quartier pour continuer de se développer. Avec mes camarades, nous formons une compagnie d'exploration chargée de supprimer tous les obstacles susceptibles au travers la progression de notre glorieuse flotte. La nef que vous avez attaquée et qui s'est contentée de se défendre ne présentait aucun danger pour vous, remarqua Mazas. Elle était là, se borna-t-il à répondre. Alors, vous avez pu confesser nos visiteurs? S'exclama Kalec Voram en voyant le pilote et les Karzassiennes pénétrer dans le poste de pilotage. Oui, et ce ne sont pas des types fréquentables, rétorqua Steve brièvement. Pourquoi? Je laisse le soin à Mazas de vous parler des Kerptiers et de leur charmante reine. L'Auric y tira quelque chose. La jeune femme eut un bref sourire avant de rectifier. Itirazis. Gentil comme nom. Bien qu'un peu difficile à prononcer. Elle poursuivit. Les Kerptiers constituent une race très prolifique, persuadée qu'elle seule a droit à l'existence. Ce qui l'amène à occuper des planètes dont les populations sont exterminées, les survivants servant à la nourriture des vainqueurs, car ceux-ci sont essentiellement carnivores. Ils ont vraiment tout pour plaire! S'écria Curton Nagez. Il est vrai qu'ils ne recherchent pas systématiquement des mondes habités pour s'implanter. Mais leur fécondité exceptionnelle fait qu'au bout de quelques centaines d'années, il y a surpopulation. Et lorsqu'un système solaire commence à être surpeuplé ou à manquer de ressources, une gigantesque flotte est réunie sous les ordres d'une Auric, guide tout-puissant désigné par l'autorité suprême du peuple Kerptier. Et elle part à la conquête d'autres mondes, voyageant dans l'espace, par de courtes transitions, pendant des décennies si cela s'avère nécessaire. Elle est précédée d'une imposante avant-garde, composée de bâtiments de fort tonnage, transportant une multitude de petits vaisseaux d'exploration, comme les deux que nous avons arraisonnés. En fait d'exploration, ils sont surtout chargés de faire le vide devant l'armada. C'est pour cela qu'ils se sont attaqués à la nef moissonneuse. Elle ne représentait pourtant aucun danger pour eux. Ils obéissaient aux ordres. Supprimer tout ce qui se trouve devant le convoi de l'Auric. Je sens que je vais bien m'entendre avec eux, lança Tiramon avec une moue dégoûtée. Si j'ai bien suivi ce que tu viens de raconter, il y a quelque part, pas très loin d'ici, une énorme concentration de vaisseaux à la recherche de mondes à envahir. remarqua Kalec d'un ton détaché. « Tu as tout compris !» ironisa-t-elle. « Et nous allons peut-être nous mettre en travers de sa route pour essayer de retrouver l'émir ?»« On ne peut rien te cacher. Y a-t-il quelque chose qui te dérange dans ce programme ?»« Non, non, je voulais juste savoir si cela me laisserait le temps de faire mon testament. » « Mais tu n'as rien qui t'appartienne, à part ce que tu portes sur le dos ?» rétorqua, moqueur, le commandant du cœur de Faux-Malo II. La mine faussement dépitée, qui répondit à cette réflexion, déclencha un éclat de rire général auquel les victimes piquent russe de bon cœur. L'émir, qui rongeait son frein dans sa cabine depuis 4 jours, dressa soudain l'oreille. Les moteurs de la nef moissonneuse venaient de se remettre en marche. Il interrogea à haute voix. « Rabotax, est-ce que les réparations sont terminées ?» La réponse du commandant robot s'échappa de l'interphone. « Non, mais nous ne pouvons pas les terminer dans l'espace et il est nécessaire de nous poser. Nous faisons donc route vers une planète que j'ai détectée. Je te préviendrai quand nous serons arrivés à proximité. » Le mulot castor poussa un profond soupir avant de se diriger vers un réfrigérateur ou du moins son équivalent, bricolé par un robotech. Il ouvrit la porte et saisit la boîte ronde qui contenait les aliments de synthèse que Rabotax lui avait fait confectionner. Un air profondément dégoûté, retroussant ses babines, il plongea une cuillère dans l'espèce de mélasse orange qui constituait la seule nourriture assimilable par son estomac à bord de la nef spatiale. Il avala quelques bouchées de l'informe mixture en se remémorant avec nostalgie certains repas pantagruéliques auxquels il avait participé en compagnie de Reginald Bull. Ses souvenirs lui coupèrent définitivement l'appétit. Ayant rangé les restes de son repas, il décida d'aller rejoindre le poste de commandement. Les différents écrans, même s'ils n'indiquaient pas grand-chose dans cet espace pauvre encore céleste, auraient au moins le mérite de lui faire passer un peu de temps. Il avait parcouru la moitié de son chemin quand la voix aux intonations métalliques se fit entendre. « L'émir, nous commençons à distinguer notre but, que nous atteindrons dans 22 de tes heures. Si tu le désires, tu peux venir me rejoindre. »« Je serai là d'ici 5 minutes. » Pestant contre la perte de son don de téléportation, il poursuivit son trajet dans le long couloir, éclairé pour qu'il puisse y circuler sans problème. Arrivé dans la salle depuis laquelle le robot conçu par le peuple lézard régnait en maître, il se laissa tomber dans le fauteuil contour qui lui était destiné en grommelant. « Si un jour je retrouve toutes mes facultés, ce sera trop tard, car je serai devenu cul-de-date à force de marcher. Usez juste qu'aux genoux. » Rabotax était d'une extrême perfection, mais ses constructeurs ne devaient pas l'avoir doté du sens de l'humour, car les paroles de son visiteur le laissèrent de marbre. Vautré dans son siège, le mulot castor laissa son regard errer sur les nombreux écrans qui avaient été installés et activés à sa seule intention, le commandant de la nef moissonneuse n'en ayant évidemment nul besoin. Dans leur grande majorité, ils se contentaient de laisser apercevoir des vues d'amas d'étoiles lointaines. L'un d'eux, cependant, attira son attention. Il possédait un curseur scintillant qui se déplaçait lentement en direction d'un système solaire ne comportant qu'une seule planète. L'émir supposa qu'il s'agissait d'une représentation de leur vaisseau se dirigeant vers son port de Radoub. « C'est la planète que tu as choisie ?»« Oui. D'après nos analyses, elle devrait convenir. »« Quelles sont les conditions qui y règnent ?»« Bonnes pour ce que nous allons y faire. »« Ouais. Et pour moi ? Car j'aimerais bien me dégourdir les jambes pendant les travaux. »« Ce que tu dis là est incompatible avec tes propos précédents. »« Quels propos ?»« Lorsque tu es rentré dans le poste de commandement, tu as dit que tes jambes allaient être usées jusqu'aux genoux à force de marcher. »« Tu voudrais donc accentuer cette usure ?» L'Ilt sursauta et contempla d'un air soupçonneux le bloc métallique qui enfermait le cerveau positronique. Cette mécanique sans âme se moquait-elle de lui, ou bien s'agissait-il simplement du raisonnement logique d'un robot? Il ne chercha pas à approfondir la chose. Drapé dans sa dignité, il se redressa et annonça « Je retourne dans ma cabine. Je reviendrai au moment de l'atterrissage. » Vingt heures plus tard, ils pouvaient contempler le corps céleste sur lequel ils allaient se poser. Il s'agissait d'un caillou aride en forme de poire de la taille de la planète Mars. Une mince couche gazeuse, légèrement rosée, l'entourait, ne parvenant pas à recouvrir les plus hauts sommets montagneux qui culminaient, il est vrai, à plus de 15 000 mètres d'altitude. Des plateaux désertiques étaient disséminés ici et là, au contrefort des puissants massifs dénudés, tandis que le règne végétal, sous forme d'arbustes rabougris et de lichens de couleur mauve, semblait n'exister qu'au fond de quelques profondes vallées. Comment est l'atmosphère ? Particulièrement nocive pour tes poumons, car elle est composée pour une partie d'anhydride sulfureux, même s'il y a une proportion de 20% d'oxygène. Je crois bien que je vais garder mon spaphandre pendant ma promenade. L'approche se poursuivit sans le moindre incident. Où comptes-tu établir ton sentier de réparation ? Sur ce plateau, répondit le commandant, tandis qu'une flèche lumineuse se matérialisait sur l'un des écrans de proximité et pointait sur une étendue plane de 3000 mètres d'altitude. Peux-tu mettre un glisseur à ma disposition ? Oui, avec un pilote. Le mulot castor se redressa de toute sa hauteur, soudain piqué dans son amour-propre. Parce que tu crains que je ne puisse pas m'en servir tout seul ? Non, je voulais simplement savoir si tu voulais partir seul ou accompagné. Seul, pour me changer les idées. Un glisseur t'attendra dans la soute 4 dès que nous serons au sol. Conclut brièvement Rabotax 3. Confortablement installé sur son siège, le plus célèbre des Ilt observa les dernières minutes d'approche et l'arrivée sur le sol rocailleux parsemé de quelques touffes anémiques de moisissures. Un heurt brutal, suivi d'un balancement latéral, lui rappela que le vaisseau avait été sérieusement endommagé pendant le combat et ne bénéficiait plus de toutes les qualités techniques nécessaires à un atterrissage en douceur. Le mulot castor se leva, s'étira longuement et annonça « Je retourne à ma cabine pour m'équiper et je rejoins la soute 4. »« Bonne promenade. Je resterai en contact avec toi en cas de besoin. » Un haussement d'épaule lui répondit. Un quart d'heure plus tard, un glisseur franchissait le seuil de la soute avec l'Ilt aux commandes. Le petit appareil entama le tour de la nef moissonneuse pour permettre à son pilote de voir les dégâts subis par la coque lors de son affrontement avec les aiguilles volantes. Des brèches béantes, au bord déchiquetées, prouvaient à l'évidence que le vaisseau n'avait évité que d'extrême justesse une destruction complète. Oui, on l'a échappé belle. Il en était même à se demander comment la nef avait réussi à manœuvrer et à glisser dans l'entre-espace vu l'état dans lequel elle se trouvait. L'émir observa pendant quelques minutes le balai incessant des robotèques qui sortaient par toutes les écoutilles pour se diriger vers l'emplacement qui leur avait été attribué. Puis, il tourna résolument le dos au chantier qui se préparait pour conduire son engin en direction d'une vallée qu'il avait repérée au cours de la descente. Un vent violent soufflait latéralement en rafale, l'obligeant à corriger régulièrement son cap, puisqu'il avait décidé de se passer du pilote automatique afin de retrouver les sensations de liberté qu'il estimait avoir perdues depuis que ses multiples dons étaient défaillants. Le paysage qui défilait sous ses yeux était d'une affligeante monotonie. De vastes espaces caillouteux, parsemés de quelques touffes de végétation dominante parme, succédait à de petites collines arides dont les rares arbres rabougris tendaient vers les cieux des moignons de branches quasiment dépourvus de feuillage. Autant par bravade que pour se prouver qu'il ne lui était pas nécessaire de posséder des facultés extrasensorielles pour être capable d'explorer un monde inconnu, l'émir avait débranché la radio de son glisseur, amusé à l'idée que Rabotax, une machine sans âme, puisse peut-être s'inquiéter à son sujet. Au bout de 20 minutes de trajet, lassé par la vision d'une étendue sans la moindre variété, il accéléra, soudain pressé d'atteindre l'endroit qu'il s'était fixé comme but de sa promenade. À travers le hublot central, il aperçut les contreforts de la montagne derrière laquelle s'étendait la dépression profonde qu'il comptait visiter. Je vais ramasser des échantillons de végétaux et d'eau, ou bien ce qui en tient lieu, pour les faire analyser par le laboratoire du vaisseau. Avec un peu de sens, beaucoup de sens, rectifia-t-il après réflexion. Je vais peut-être trouver des traces d'éléments qui pourraient faire de moi l'inventeur de la première vie connue à base de soufre. Il posa le glisseur en douceur sur le sommet aplati du mont qui surplombait la vallée, et après quelques instants, quitta son siège, déverrouilla le cockpit et emprunta la rampe qui s'était déployée jusqu'au sol. Sitôt après avoir rejoint le plancher des vaches, il se baissa pour examiner la nature des pierres qu'il foulait. À première vue, cela ressemblait à du granit, mais dont les cristaux étaient rouge sang, ce qui laissait supposer que la silice n'en était pas le composant principal. Il en ramassa un petit morceau, qui glissa dans une des poches que sa combinaison offrait le long des cuisses. Puis, il s'avança vers l'extrémité qui dominait le sillon végétal en un abrupt vertigineux. Loin en dessous, serpentait un cours d'eau, dont les rives étaient bordées de prairies et de forêts clairsemées. L'émir empoigna une paire de jumelles électroniques et entreprit de scruter le paysage en contrebas. Des arbres de petite taille, mais très étendus en largeur, composaient l'essentiel de la partie arborée. Au bout de 3 minutes d'observation, il secoua la tête d'un air un peu déçu. Malgré sa conviction qu'aucune vie organique n'avait pu se développer sur cette planète, il espérait secrètement s'être trompé. Mais pas le moindre indice que... Soudain, un cri d'étonnement lui échappa. Un animal? La vision fugitive qu'il eut d'une forme allongée qui semblait s'être glissée sur le tapis herbeux avant de disparaître sous les fondaisons ne fut pas suffisante pour l'amener à croire qu'il n'avait pas eu une illusion d'optique car le mouvement ne se reproduisit pas. Il décida donc d'aller se rendre compte sur place. Machinalement, il activa le champ protecteur de son spatiandre, mais s'aperçut avec étonnement qu'il ne fonctionnait pas. La commande a vraisemblablement été endommagée lorsque j'ai été aplati. Songeur, il s'interrogea sur ce qu'il allait faire. Puis, ayant vérifié que ses anti-jets étaient opérationnels, et estimant que, grâce à eux, il pourrait toujours se tirer d'affaire en cas de besoin, il entama une lente descente, tout en continuant à examiner soigneusement les environs de l'endroit où il avait cru apercevoir quelque chose. Dès que ses pieds touchèrent le sol, il pivota sur lui-même pour s'assurer instinctivement que nul danger ne le menaçait. Ce qui déclencha aussitôt chez lui un sentiment d'exaspération. Si ça continue, devait devenir parano. Le tapis mauve qu'il foulait lui laissa une impression indéfinissable de malaise, sans qu'il puisse en définir la cause. C'est sans doute à cause de la couleur. Il fit une dizaine de pas, jusqu'à l'emplacement où il croyait avoir discerné un déplacement. Mais il eut beau écarquiller les yeux, l'herbe ne présentait pas la moindre trace, ce qui le convainquit presque qu'il avait rêvé. Il poursuivit sa marche vers la lisière du bois, dans lequel il pénétra, se glissant entre les gros arbres d'aspect torturé, qui déployaient en l'air des branches portant des feuillages anémiques que les rayons du soleil n'avaient aucune peine à traverser. Il progressa ainsi de 200 mètres environ à l'intérieur de la futaie, mais toujours sans découvrir un quelconque indice lui permettant de penser que ses yeux ne l'avaient pas induit en erreur. Déçu, il décida de retourner sur ses pas. Joignant le geste à la pensée, il fit demi-tour pour se retrouver nez à nez avec deux individus, sorte de grossières ébauches d'humanoïdes, qui se précipitèrent sur lui sans émettre le moindre son et qui brandissaient des espèces de tridents dont les pointes laissaient échapper des éclairs bleutés. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le 3e chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage d'André Bory. Nous interprètes K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Sivomir Singh et de Tiromon, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans les rôles de Corton Norgaise et Kalec Varam, Gabriel Jean dans les rôles de Rabotax 3 et du Midi-Robot, Christian Martin dans le rôle du membre d'équipage du cœur de Fomalo, Silverson dans le rôle de Terlise et Christian Martin la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Le 17 avril dernier, je recevais des nouvelles d'André. Lorsque je l'ai invité à refaire une entrevue au moment de la sortie du premier roman de sa nouvelle série Mazas, il m'a répondu « Prochaine série Mazas, comme tu y vas. » Cependant, je vais te tenir au courant de l'avancement des travaux. Tout d'abord, pour en finir avec la première Mazas, j'ai 3 courts romans en cours. J'ai suivi tes suggestions. Mise en ménage, Mazas Dev, Mazas Maman et La fin de la piste. Pour faire plaisir à Corvo, le patriarche Sylvian Spolonsk est de retour dans le second. Quant à la nouvelle Mazas, j'en ai écrit 5 chapitres tout en continuant à créer un univers nouveau, des peuples, des vaisseaux, des armes. Cela m'amuse, mais me prend pas mal de temps. J'ai le plaisir de vous présenter une entrevue réalisée avec Greg Silverson, qui a participé à quelques-unes de nos productions. Nul doute que vous reconnaîtrez sa voix. Bonjour Greg. Bonjour Christian, ou Terre en 1939. Tu es français, je crois. Tu habites quelle région? Effectivement, je suis français, donc j'habite en Lorraine, plus précisément en Moselle, plus précisément encore, dans une ville près de Thionville dont le nom se termine par Ange. Et tu verras en regardant la carte qu'il y a beaucoup de villes dont le nom se termine par Ange dans le coin. Voilà, donc pour situer également pour les non-européens, tout simplement, j'habite à 30 km environ de la frontière luxembourgeoise et un tout petit peu plus de la Belgique et de l'Allemagne. Et j'habite plus près de la capitale luxembourgeoise que de la capitale française. Tu es originaire de cette région ? Effectivement, je suis originaire de cette région, même si j'ai un peu voyagé pour mes études ou pour le boulot. Silverson n'est pas ton prénom, n'est-ce pas ? Effectivement, Silverson, ou Silverson si on la prononce à la française ou à l'anglaise, n'est pas mon vrai nom. C'est en fait un pseudo qui vient du jeu vidéo Golden Sun, que j'ai changé en fait Golden en Silver, et puis en changeant le U par O. Et voilà, c'est tout ça. Pourquoi avoir choisi de paraître sur le net sous un pseudonyme ? Et pourquoi apparaître sous pseudonyme ? Donc, bah, généralement, j'indique souvent mon vrai prénom. Et ensuite, à l'époque, quand je commençais à utiliser Internet, donc c'était vers 2003, la première fois que j'ai été sur Internet, c'était en 98 lors de la Coupe du Monde de foot en France. Et sinon, c'était 2002-2003. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ça, quoi. Et puis on utilisait des pseudonymes. Maintenant, il est vrai que ça se perd un peu quand même, hein, les pseudonymes. Moi, j'aime bien les pseudonymes. Mais bon, ça y est, je suis un vieux con maintenant. Maintenant, je critique les jeunes, je suis un vieux con. mais non. Tu fais quoi dans la vie ? Donc, je travaille dans une petite moyenne bibliothèque, dans une ville dont le nom se termine aussi par Ange, mais ce n'est pas la même ville où j'habite. Et entre la ville où j'habite et la ville où je travaille, une autre ville dont le nom se termine aussi par Ange. Et voilà. Suspense. mon travail, en fait, c'est un travail de bibliothécaire, donc accueil du public, gestion des prêts, animation envers les scolaires. Donc je précise notamment, pour moi, le rôle d'une bibliothèque n'est pas de prêter des livres, mais c'est un moyen. Son but, c'est de diffuser la culture et le savoir, notamment en prêtant des livres, mais pas que, notamment par les animations. Moi, c'est dans le métier, les animations, l'action culturelle m'intéresse beaucoup. Le fait d'être si proche des livres, t'as-tu donné le goût d'en écrire ? Ou bien es-tu également auteur ? Alors, je ne suis pas auteur. Donc, j'écris des sketchs pour des salles de MP3. Mais là, c'est vraiment anecdotique. Pourquoi as-tu voulu être bibliothécaire ? Quand j'ai commencé à faire vouloir être bibliothécaire, c'est parce que j'aimais lire. Et maintenant, c'est plus parce que j'aime lire que je fais bibliothécaire. Ma vision du métier a beaucoup changé, en fait. Et c'est justement parce que le métier, c'est un métier de médiation culturelle et de diffusion, permettre la diffusion, en fait, du savoir, de la culture. Et c'est ça qui m'attire plus que d'aimer lire, en fait. C'est ma vision qui a changé au cours des années. Je t'ai rencontré, il me semble, chez Netophonix, non? Alors effectivement, on s'est rencontré sur le forum Netophonix. Donc le forum qui rassemble les fans de la saga B3. Alors je ne sais plus si c'était pour un recrutement pour l'Estrade ou pour Mazas Pavel, ou alors ça devait être les deux en même temps. Mais c'était pour un des deux. Et ensuite j'avais joué le maire dans l'affaire Blaireau, dont nous allons reparler dans les questions suivantes. Peux-tu expliquer à nos auditeurs ce qu'est la saga sphère? Alors la saga sphère, tout simplement, c'est la sphère des fans de Saga MP3, de tous ceux qui écoutent, qui font, qui participent à la création de Saga MP3. La Saga MP3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des fictions sonores codées au format MP3, d'où le nom de Saga MP3. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les mono MP3. C'est tout simplement les sketchs qui se suffisent à eux-mêmes, hein, c'est juste un sketch. Alors que généralement, Saga MP3, on parle d'épisodes et de suites. Voilà. Alors on rapproche souvent Saga MP3 et feuilleton radiophonique, en disant que les Saga MP3 sont un peu la suite des feuilletons radiophoniques. Moi je suis pas totalement d'accord, parce que le but des créateurs de Saga MP3, c'est pas de faire une fiction radiophonique. C'est vraiment issu d'une culture populaire geek. Et du coup, même s'il y a des liens qui se font, ce n'est pas une suite toute tracée. C'est un chemin détourné, mais bon, au final, il y a très peu de rapports entre les feuilletons radiophoniques et les sagas MP3, même si certains créateurs de sagas MP3 sont issus du feuilleton radiophonique. Tu peux nous faire un bref topo des sagas ou mono que tu as réalisé? Alors, j'ai réalisé plusieurs sagas MP3 et mono MP3. La première que j'ai réalisée, c'était La Menace 2. Et que j'avais vite abandonné au bout de deux épisodes. Et en fait, j'ai fait une nouvelle version où tu as joué d'ailleurs. Donc c'était dans l'épilogue. En fait, il n'y a eu qu'un seul épisode avec un cliffhanger à la fin où on ne sait pas ce qui va se passer. Et en me disant, ben, comme ça, si j'ai une idée qui me vient, je pourrais la faire. Et du coup, j'ai toujours pas eu d'idée. Du coup, j'ai toujours pas eu de suite. Donc elle est plus ou moins terminée. Mais si j'ai une idée qui me vient, je la continuerai. Et j'ai également réalisé des mono MP3, donc d'autres sagas MP3, comme Candide et le conservateur. Donc là, les textes ne sont pas de moi, même si j'en ai écrit et modifié quelques-uns. Ils sont d'un conservateur des bibliothèques, sur des sketchs issus du métier de bibliothèque, des blagues de bibliothécaires, comme des blagues d'informaticiens, de profs. Et du coup, voilà, et j'ai réalisé notamment, en parlant de Candide, une adaptation du début du chapitre 19, où tu avais joué d'ailleurs, dans le cadre en fait d'un défi du Netophonix, où en fait le but était d'adapter une histoire au format MP3, une histoire déjà existante, une histoire littéraire. Et j'ai participé à d'autres projets. J'ai aussi adapté un extrait de 20 minutes sous les mers, un bref extrait d'une discussion entre Nemo et puis le héros dont le nom m'échappe, qui m'a beaucoup marqué. Alors également, il y a aussi le calendrier de l'Avent pour MP3. C'est le principe du calendrier de l'Avent. En fait, chaque jour, on a une nouvelle histoire. Et j'avais notamment participé pour le compte des éditions de l'avenir à une histoire qui s'appelle Un super cadeau, où tu avais joué, je ne sais plus si tu avais joué d'ailleurs. Non, mais j'étais de la suivante, je crois. Donc voilà, j'ai réalisé plusieurs mono MP3, donc je ne vais pas parler de tous. Et j'ai un projet en cours actuellement qui s'appelle Amstramgram, dont j'avais écrit le texte en 2010. Et que j'avais laissé de côté, qu'en avril dernier, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire. Et le premier épisode est sorti en novembre, et le deuxième et troisième épisode sortiront en février. Alors pour tout avouer, en fait, à l'heure où j'enregistre cette phrase, l'épisode 2 est en fait terminé, voilà. Et du coup, peut-être qu'il sera sorti au moment de la diffusion de cette interview. Oui, sans doute. Voilà, donc en fait, l'histoire, c'est tout simplement trois terroristes, alors on ne sait pas de quelle organisation ils sont, qui vont détruire un laboratoire d'un scientifique, et puis en fait, dans ce laboratoire, ils déclenchent par inadvertance une machine à voyager dans le temps. Et se téléporte en 1492 à Palace de la Frontera, qui est en fait la ville d'où est parti Christophe Colomb pour partir vers les Indes alors qu'il découvrira les Amériques. Tu pratiques d'autres activités à caractère culturel? Alors, d'autres activités culturelles, tout simplement, je lis et je regarde des films. Alors, j'ai regardé justement avant de répondre à cette interview ce que j'avais dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres et de films d'occasion. J'achète surtout en brocante, en bouquinerie. Et j'ai remarqué que ça fait longtemps que j'ai plus lu de romans, en fait. Je lis principalement des recueils de nouvelles, des films, et des BD, la quasi-totalité sont achetés en brocante, sauf des BD, en fait, que j'achetais au salon du livre, ou avec des dédicaces d'auteurs. Du coup, voilà, c'est la remarque que je me suis faite en regardant ma bibliothèque. Et voilà. Au cours des années, tu as participé à 7 productions des éditions de l'avenir, je pense, parmi lesquelles tu as joué 2 mères. Ça te dirait d'être mère? Alors non, je ne souhaite pas être mère, mais je m'intéresse beaucoup à la politique en tant que citoyen. Je m'intéresse à la politique en tant que citoyen. Si tu me parlais un peu de ces 2 mères que tu as incarnées? Alors, les 2 mères que j'ai incarnées, le tout premier, c'était dans l'affaire Bléron de Alphonse Alaïs. J'incarne le maire de Montpaillard. Donc c'est une commune du département imaginaire de Seine-et-Loire, donc qui sont en fait 2 fleuves qui sont pas du tout au même endroit, c'est un département inventé. Et en fait c'est un maire d'une bourgade tranquille où il se passe rien, et lui il est bien content qu'il se passe rien, mais en fait il se passe quelque chose, il y a une garde champêtre qui se fait tabasser, et puis lui il croit avoir trouvé le coupable, mais en fait c'est pas lui, et du coup c'est embêtant pour lui, pour ses électeurs, et voilà. Des affaires politiques, quoi. Et le deuxième, c'est dans Les Coupables, alors je me souviens plus de son nom, c'était peut-être le maire, et c'est une histoire assez glauque. C'est en fait un maire pédophile, requin, qui fait croire qu'il est gentil avec les gens, mais qui fait des coups méchants par derrière, quoi. Alors je me souviens plus, alors peut-être que je me trompe, mais c'était une histoire de science-fiction, en fait, il remonte dans les souvenirs, en fait, comme Inception, quoi. Inception, en anglais. Mais nous, en France, on dit tout à la française, donc Inception. Disais-je, comme Inception, où, en fait, il remonte dans les rêves pour analyser ce qui s'est passé. Mais là, je ne me souviens plus, et j'ai pas lu le texte avant de répondre aux questions. Honte à moi. Tu as aussi joué un gars qui me semblait toujours gaffé en informatique. C'était dans Contrôle permanent de Fred Leborg. Tu peux me parler de lui? Alors oui, le Contrôle permanent de Fred Leborg, c'était une histoire intéressante. Alors je joue un bonhomme pas très doué en informatique qui téléphone à son pote informaticien pour résoudre des problèmes informatiques. Et à la fin, en fait, alors malheureusement, je n'ai pas relu le texte ou réécouté l'histoire avant de répondre à l'interview. Mais à la fin, je crois qu'il y a, enfin, il fait un truc, une révolution où en fait, il devient dictateur, un truc comme ça. C'est dommage que j'ai pas pensé à relire le texte avant l'interview. C'est honte sur moi. Et puis, tu as participé à l'estrade d'agent très spécial. Et aux 3 dernières aventures de Massas Pavel, dans des rôles de méchants. Aimes-tu jouer les méchants? Oui, donc Massas Pavel, j'ai joué le méchant, alors j'ai joué plusieurs rôles secondaires, et notamment le méchant Les Fausses Termines. Et c'était un bureaucrate de l'OMU, voilà, un méchant, quoi, un méchant bureaucrate. Oui, j'aime bien jouer les méchants, tout simplement parce que... Mais en fait, c'est plus facile à jouer. Alors, c'est plus facile à jouer parce que c'est caricatural, quoi. C'est plus facile de faire « Mouh, je suis méchant !» et de jouer le rôle du méchant sadique que de jouer le rôle du bon qui veut sauver la veuve et l'orphelin. Voilà, c'est plus facile de jouer. Ensuite, j'ai joué d'autres rôles de pas méchants qui étaient aussi intéressants. Mais j'aime bien en fait jouer les petits rôles secondaires qui apparaissent très peu. Même si j'aime bien jouer d'autres rôles, mais en tant qu'acteur de cette MP3, j'aime bien jouer les petits rôles de fond, de figuration. Je préfère écouter. Je préfère largement écouter les cinq MP3 qu'en faire. Mais j'aime bien en faire quand même. Où peut-on te trouver sur le web? Alors, on peut me trouver tout simplement sur le forum Nitrophonics, sur le pseudonyme Silverson ou Silverson, sur Twitter, @grepauly, G-R-E-P-A-U-L-Y, sur mon blog qui est blogrepauly.net, où j'ai mon blog professionnel axé sur les métiers de la culture et mes sagas MP3. Donc voilà, j'ai relié mes vies professionnelles et personnelles sur le même site. Mais ça pose pas de problème au final. Par exemple, Candide et le conservateur est écouté par les bibliothécaires. Donc voilà, c'est bien que ce soit sur le même site. Merci beaucoup Greg d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien, j'espère avoir pu répondre à tes questions. La musique accompagnant l'entrevue est, entre autres, de Kevin MacLeod d'Incompetech.com. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours d'avril dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'avenir. Le 3, ce fut la version audio des résumés des fascicules 40 à 49 de la série Perry Rodden, telle que rédigée par Michel Van Rue. Elle est sécrétée par le pelage des nonus. Deuxième partie, les marchands de drogue de la galaxie. Le sang pareil est équipé du compensateur de structure amené de la Terre, tandis que les médecins étudient l'hyper-euphorie. Celle-ci est due à un poison artificiel, l'argono-exilanine. Le sang pareil se pose sur Honour. Le 10, nous vous présentions la page 4 de l'édition du 15 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Le 17, nous mettions en ligne la quatrième partie de la relation de 1611 des relations des Jésuites. Et le 24, c'était la version audio de « Colloque entre Monos et Una », une nouvelle d'Edgar Poe, tirée de « Nouvelles histoires extraordinaires ». Pas très différent de l'extrême quiétude de quelqu'un qui, ayant dormi longtemps et profondément, immobile, prostré dans l'accablement de l'ardent solstice, commence à rentrer lentement dans la conscience de lui-même. Il y glisse, pour ainsi dire, par le seul fait de l'insuffisance de son sommeil et sans être éveillé par le mouvement extérieur. Je ne respirais plus. Le pouls était immobile. Le cœur avait cessé de battre. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher, et chez Radio H2O à radioh2o.ca qui, par ailleurs, diffuse notre émission sur leurs ondes les samedis et dimanches de 17 à 18 heures, heure de l'Est du Canada. Vous nous retrouverez également sur Twitter à l'Avenir Audio ainsi que sur Google Plus sur Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir audio.canablog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. Et voilà. Ainsi se termine cette 19e émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'avenir. Merci de votre attention et à bientôt.